Ok, Métis DCK, NN DAS ici, et Son Cinéma, arrête le cinéma. Yeah, TDN Néochrome 9177. Tu connais les bails, check d'Assoum 2006, faut que ça glisse. Les scientifiques font des recherches pour cloner mes cordes vocales. Ils disent que j'ai la voix qui pèse comme un avocat. Demande à ces gars, soit à fond dans la convoi. Nous quand bouge j'ai le convoi exceptionnel. Le R.A.B. en sac des frappes que je tape toute la semaine. Je te laisse emprunt de mes poids et de mes semelles. Néochrome TDS sensationnel. Et c'est ça qu'on aime, tu connais. On n'est pas là pour déconner, là pour cogner le R.A.B. tous les mauvais. Pour tous ceux qui pensent que notre rap est démodé, on est là pour gravir toutes les marches de l'escalier pour atteindre le sommet, mais toujours palier par palier. Oui, je rappe sans arrêt, oui, je sors en soirée, oui, je squat châtelet, mais je suis bachelier. Du rap de Paname, pas du rap de canard. Si t'aimes pas, on canard, c'est les Sons, c'est Neymar. TDS et Ntal au micro, on tracade. C'est Dassou, Néochrome, pop, pop, pop. C'est du rap de Paname, pas du rap de canard. Si t'aimes pas, on canard, c'est les Sons, c'est Neymar. TDS et Ntal au micro, on tracade. C'est Dassou, Néochrome, pop, pop, pop. La rage au ventre comme un doubleman qui arrive en France. J'écris des textes sur les convois de la charte, ma charte depuis ma tendre enfance. Quand arrivent les cops, je cache le pop dans le shop, en évitant les gunshots au coin d'un night shop. Génération Carmes Bleu, tu nous sers ta muscule. Un mat avion, ça me spue. Grosse hagala sur Matt Houston. Coup de couteau d'art, mon dame plus que tard, on reste stone. J'ai mal à plus que tard, je te destroy. Je te ramène du gros son poteau à la Quiet Storm. J'ai goûté mon pipi, puis les copies, les 501 stone. Flow à la pillée, jamais mal habillé. On oublie l'opi pour faire les haïmi par des billets. Gonflé par la fierté, je rentre plus comme des bosses que je suis habillé. Tiens en connaissance de cause. C'est du rap de Paname, pas du rap de canard. Si t'aimes pas, on canard, c'est les Sons, c'est Neymar. TDS et Ntal au micro, on tracade. J'ai Dassou, Néochrome, pop, pop, pop. C'est du rap de Paname, pas du rap de canard. Si t'aimes pas, on canard, c'est les Sons, c'est Neymar. TDS et Ntal au micro, on tracade. J'ai Dassou, Néochrome, pop, pop, pop. 2006, ma gueule, je te préviens qu'on va percer. Le rap m'accueille toute la vie, bah c'est lui qui va percer. Sur ce track, c'est hardcore, donc je te parle de N.E.D. TDS, Néochrome et Ntal. Des dangers, v'là un feat qui te fait bander. Des types qui te font trembler, un son qui peut te planter d'entrée. Y'a pas trop d'amour ni d'attendrissement. Aphrodite s'est fait baiser par Satan sans déguisement. À la barbare est trop dégueu, un truc de bâtard. Même les anges tapaient des gueux. Les gars, les gens n'ont plus d'ego. C'est un vrai dégât, on aurait peu de fuck avec d'ego. Et t'as pu avec des gars, tu vois les bails, c'est trop street. C'est un vrai casse-pif pour tuer bientôt des castings. J'assure que c'est la merde ici. Pour couronne, canal Sissi, là où les jeunes sont busy. C'est du rap de Paname, pas du rap de canard. Si t'aimes pas, on canard, c'est les Sons, c'est Neymar. TDS et Ntal au micro, on tracade. J'ai Dassou, Néochrome, pop, pop, pop. C'est du rap de Paname, pas du rap de canard. Si t'aimes pas, on canard, c'est les Sons, c'est Neymar. TDS et Ntal au micro, on tracade. J'ai Dassou, Néochrome, pop, pop, pop. BC One Productions.